En plein vent, où l'on désosse, où l'on désosse. Un couteau canicule me charcute les organes, et mon sang giclera un jour sur un versant inconnu. Ici, le temps s'immobilise sur son axe. Braque son vertige vertical. Je règle mon horloge interne sur le méridien d'outre-mer. Voici l'heure exacte où les aiguilles de la chair et du songe coïncident. Vibre la flèche. Ça fut un épi dans la gerbe éblouissante des désirs. Vivant. Vivant. Je suis vivant. Traversé par l'estocade blanche du soleil. Midi. Midi, mon corps écrit, mon cri prend corps et me décrit. Midi. Nous parlerons donc des langues sous tension, et non celles qui fourchent toujours entre un lieu commun et un lieu dit. Mon royaume pour cette abeille qui butine le cœur du monde et que crépite enfin l'émetteur central, irradiant de nous, de la fissure lointaine, de l'écartèlement de notre origine. Alors les mots danseront à leur zénith dans la surchauffe de nous-mêmes, à ce point limite où toute solitude éclate, et nous basculerons dans l'ivre-lumière, totalement incarné en nos paroles, sans greffe et sans suture, sans greffe et sans suture, sans greffe et sans suture. Midi, midi. Mon corps s'écrit, mon cri prend corps et me décrit. Midi, midi. Je nais des milliards de fois au sud de moi-même. Avec les ondes, les sauces, les rythmes. Je nais dans les milliards de matrices du réel. Avec les bourdonnements, les craquements, les croissants. Je nais quelque part dans le système solaire, dans la musique des sphères, parmi les pollens à venir. Je nais déjà demain dans l'envol d'un oiseau libre. Je nais déjà demain dans l'envol d'un oiseau libre. Midi. Midi. Mon corps s'écrie. Mon cri prend corps et me décrit. Midi. Midi.